Si si si si. Hey, Niro, Niro, jupe de ploie, jupe de ploie. 380 paradoxe poteau, 45 41. Mais qui a dit que la vie n'a pas de prix, hein? Une chose est sûre, la mort c'est comme la hagra, c'est souvent gratuit. J'écoute la musique, j'entends tomber la pluie. Nos vies fusillent, difficile de préparer l'avenir. Vas-y goûte à la rue, expert de la ruse. Viens pas me chercher, moi le tchétchène, je vais te la faire à la russe. Ouais mon pote, vas-y écoute, cous. On fait avec les coups de bourre, les coups de blues, les coups de coude. On coupe court, hein, à leurs conneries et tout leur baratin. Qui rentrent chez eux dans leur bordel ou dans leur baratin. Sur le bitume économique et le tissu, on cultive des aptitudes pour le vice et l'altitude. On a le mort et l'habitude de la biture. Dans la hurle avantitude, fatigué par cette vie dure. Qu'est-ce que tu peux faire, pas faire mauvaise figure. Ferme ta gueule, n'en dis pas que tout est fichu. Eh ouais c'est ça la vie, ça la ah ouais vie. C'est ça la mie. Ça sent le porc ou encore pire, ça sent le salami. Frère, emballe ta dream team, tout est fictif. Un grand succès d'estime, rappeur d'en bas, on compte même plus les victimes, voilà. Ouais ouais ouais, j'la famille qui est pas ça. Envoie un pilon, une Philippe, moi un café, une massa. Le cadavre d'un cul de joint te laissera rien après notre passage. Ray, faut que tu vois ça, on fout la merde, on parle mal et maltraite le voisin. Aucun état d'âme, on se retrouvera à la prochaine croisade. Fuck l'état. J'écris des textes par centaines, rap avec ou sans thème. À peine passé la vingtaine, j'ai la camberge, la trentaine. Je regarde les anciens de ma zup défiler du bloc au ballon. Rodé au pilon, entre la taille de coca et du dilon. Les petits eux prennent exemple sur les grands. La plupart schlagués par les épreuves, pourtant ils avaient du cran. C'est fou comme un homme peut changer en quelques années de placard. Là où les plus grands hagards ont fini par se faire hagard. Chacun son tour, l'heure est là où tourne. J'ai séché les cours pour refourquer ma dope en bas des tours. Cours après les sous, crois pas qu'on soit fier de ça. Y'a que pour ça qu'on n'est pas sourd et seuls les frères le savent. Ici on souffre, alhamdoulilah on n'est pas plein. Le top ce serait de se sortir d'ici et de faire ça plein. J'anticipe, dans l'illicite y'a pas de réussite, y'a que du déficit. Quand tu comprendras, il sera trop tard pour qu'on te ressuscite. Frère, en bas ta dream team, tout est fictif. Un grand succès d'estime, rappeur. T'en pas, on compte même plus les victimes, voilà. Ouais ouais ouais, la famille qui est pas ça. Envoie un pilon, une Philippe, moi un café, une massa. Le cadavre d'un cul de joint te laissera rien après notre passage. Ray, faut que tu vois ça, on fout la merde, on parle mal et maltraite le voisin. Aucun état d'âme, on se retrouvera à la prochaine croisade. Fuck l'état, man. J'écris, ne demande pas pourquoi. J'ai de l'alcool plein mon verre et mon spliff plein de sept là. À l'ancienne, comme les mecs que je côtoie. 25 perches sur la terre et 15 piges qu'on se déploie. Ouais, ouais, je sais que les années passent. On rappe sans succès, mais rien à foutre tant que ça tapasse. On y met le cœur et les tripes, la rage et l'envie. Laisse-nous gérer nos bises, laisse-nous œuvrer dans l'ombre. J'suis un loup, autant l'ombre, j'veux les piller, les bombes, t'inquiète. Ouais je sais que ça viendra, pourtant je suis conscient que le talent ne paie pas. Pas un futur millionnaire, des billets sous mon sommier. Réussite éphémère, tu restes pas longtemps au sommet. Baisse ton fut, l'état te baisse comme une pute. Nous on nous piège comme des rats, donc normal que nous on lutte. Frère en bas ta dream team, tout est fictif. Un grand succès d'estime, rappeur d'en bas, on compte même plus les victimes, voilà. Ouais ouais ouais, la famille qui est pas ça. Envoie un pilon, une Philippe, moi un café, une massa. Le cadavre d'un cul de joint te laissera rien après notre passage. Ray, faut que tu vois ça, on fout la merde, on parle mal et maltraite le voisin. Aucun état d'âme, on se retrouvera à la prochaine croisade. Fuck l'état. Frère, emballe ta dream team, tout est fictif. Un grand succès d'estime, rappeur d'en bas, on compte même plus les victimes, voilà. Ouais ouais ouais, la famille qui est pas ça. Envoie un pilon, une Philippe, moi un café, une massa. Le cadavre d'un cul de joint te laissera rien après notre passage. Ray, faut que tu vois ça, on fout la merde, on parle mal et maltraite le voisin. Aucun état d'âme, on se retrouvera à la prochaine croisade. Fuck l'état, man.